Bon, moi j'ai des questions, mais moi je vais en poser une. Tu as dit qu'en France on était en retard de 20 ans, qu'il y avait déjà des retours qui montraient que dans les pays où ils sont en avance, ça ne marche pas. Mais alors pourquoi on continue? Oui. C'était ma conclusion en forme d'énigme sociologique. Merci beaucoup de l'avoir faite à ma place. Mais alors je peux être très bavarde là-dessus, mais peut-être qu'on va prendre d'autres questions. D'accord, oui. En fait, on reste aussi dans le champ de débat avec la racialité bureaucratique. On ne trouve pas, il n'y a pas de responsable. Après tout, les faiseurs de dispositifs ne sont pas les maîtres de ces dispositifs, ni même les dessinateurs. Eux-mêmes, enfin, ne vaut que ce qui est évaluable, quantifié par des chiffres, et quantifié. Je sais qu'il y a longtemps de ça que je faisais une petite enquête sur les enquêtes d'utilité publique. J'avais vu un ingénieur par ailleurs, mais qui était membre d'une association environnementale et qui justement se plaignait du fait que eux, associations, ne pouvaient pas, enfin, qu'on ne quantifiait pas à l'époque la valeur, disons, d'un site, et que du coup, ne pouvons pas donner des chiffres, enfin, quantifier ça, on n'était pas de. Les associations n'étaient pas de bons interlocuteurs ou perçus comme tels par l'administration. Christian, pardon, excusez-moi. J'avais deux questions, et la première c'était celle d'Isabelle, comme pour que ça continue. J'ai le sentiment que déjà vous avez un petit peu levé le poil en disant peut-être que ça poursuit des objectifs qui ne sont pas ceux qui sont annoncés. Bon, y a-t-il un complot dans tout ça? Je pense. Il y a certainement des intérêts qui sont ceux des producteurs de systèmes, je pense. Mais ça ne fait pas le poids par rapport à l'immense inefficacité de cette affaire qui m'évoque, et ça sera sur ce point mon dernier mot, le travail d'Alain Blum et de Martin Mespoulet sur la statistique soviétique des années 30 et 40. C'est-à-dire qu'on a un système classique qui produit des menteries dont le régime a besoin, dont le régime sait à peu près que s'en sont des menteries et qui cependant continue. La solution, ça a été d'abattre les statisticiens. J'espère qu'on en arrivera là, mais je ne peux pas vraiment revenir. Mais ma vraie question, là, j'ai une deuxième question qui est une question. C'est sur la résistance dans cette affaire. Parce que les exemples que vous évoquiez me font penser à une autre époque du travail en atelier où il y avait le chronométreur et le freinage. On avait des réponses individuelles, mais qui se collectivisaient aussi. C'est-à-dire que le freinage était parfois une riposte individuelle pour chacun, parfois contrainte par les gens qui étaient dans la même pièce, parce que le gars qui allait trop vite, il pouvait lui arriver une bricole à la sortie. Voilà. Donc il y avait une forme de collectivisation de ces résistances individuelles. Et une question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu observer certaines formes de collectivisation, formalisées ou non? Et est-ce que par exemple des collectifs de type syndicaux peuvent à certains moments prendre en charge ces refus-là, c'est-à-dire en fait trouver quand même sur qui taper plutôt que l'ordinateur, il y a quand même des gens à qui s'adresser. Enfin, est-ce qu'il y a des collectifs qui se forment? C'était ma question. Pour relayer à ce qui vient, en parlant d'excellence, je pense qu'encore plus que le fait de dire en ce moment-là, en tout cas dans les universités, le système dit de l'excellence, ça permet de détecter les gens qui sont les plus dociles, de les mettre à la tête, et c'est un système endogène après. Et c'est vraiment un système. Là, actuellement, quand on regarde les gens qui sont à la tête de certaines universités, c'est les plus nuls de ceux qui sont arrivés au niveau. Mais c'est surtout ceux qui sont les plus dociles qui ne vont pas faire de vagues, qui vont lécher les fesses de qui il faut lécher, c'est tout. Parce que je pense qu'il y a surtout un phénomène comme ça. Est-ce que qu'on appelle l'excellence, c'est à vomir aujourd'hui dans les universités. C'est vraiment. C'est devenu un synonyme de nocif et c'est plus du tout devenu un synonyme de qualité scientifique. Alors, est-ce qu'on prend la question? Mais je pense que c'est toujours sur la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est des mots qu'on a inventés qui vont bien dans un contexte de, soi-disant où la science est devenue la nouvelle religion officielle. Donc, on a plein de chiffres parce que ça fait scientifique. Et en fait, le but du jeu, c'est justement ce que vous avez bien fait remarquer et ce que, un peu ce que dit Dominique, c'est de produire de la docilité forcée. C'est-à-dire que d'abord, ça fait monter les gens les plus dociles et surtout, ça ne permet pas la résistance. C'est un système contre lequel il est impossible de se battre. Et je pense que c'est pas de la performance dont il est question. Tout le monde s'en fiche de la performance. La question, c'est comment faire pour que les gens ne puissent plus bouger et que le système perdure. Et je pense que le new management ne sert qu'à ça. En fond, ça rejoint la question exactement liée sur la résistance. Ce qui est certain, c'est que c'est un système. Enfin, les résistances sont difficiles, notamment du fait que les gens sont en concurrence. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, ne pas remplir les tableaux de bord. Donc, arrêter de jouer le jeu du chiffre, il faut que tout le monde s'arrête en même temps. Parce que si vous êtes seul, ben vous avez perdu tout de suite. Si vous ne jouez pas, vous perdez tout de suite. Donc il faudrait que tout le monde s'arrête de jouer en même temps. Il aurait fallu, par exemple, que quand l'ARS a été mise en place dans l'université, tout le monde dise non, personne ne va ni dans les jurys, ni ne fait. Vous remarquerez que tout le monde l'a fait, en fait. Pourquoi ? Parce que tous les labos ont eu peur d'être le dernier, de ne pas le faire. Hein. Et ça, vous l'avez partout. C'est-à-dire que la mise en concurrence, effectivement, c'est classique. Hein. Ça fait quelques millénaires que ça dure. Mais la mise en concurrence, effectivement, affaisse les résistances de façon très claire. Néanmoins, il y a de la résistance, et que ça me permet de répondre à votre question. Alors, j'en ai fait encore un petit catalogue. C'est vraiment un pauvre point, comme on dit. on peut faire un petit catalogue des résistances. La plus courante, c'est ce que j'ai appelé simulation et dissimulation. C'est-à-dire que je vais simuler les chiffres que vous voulez voir. Donc je vais essayer de. Je vais faire les chiffres conformes à ce qui est attendu, soit en tordant la réalité, soit en tordant le chiffre, ou les deux. Et je vais dissimuler ce que je fais vraiment. Simulation et dissimulation qui a comme coût principal de ne pas effectivement pouvoir dire voilà comment je fais pour de vrai. Qui est cette fameuse phrase tellement formatrice dans les milieux de travail, « Et toi, tu fais comment ? Dis-moi comment tu fais pour de vrai. » Cette phrase-là devient presque interdite, puisqu'il faut afficher des choses de conformité. Donc ça a un coût quand même assez fort. Il y a des résistances collectives, elles sont essentiellement professionnelles. Ici, je me réfère aux travaux de Vigour, par exemple, sur les métiers de la magistrature, mais vous avez eu aussi les universitaires, vous avez eu aussi des mouvements chez les policiers, quand ils ont dû faire du chiffre, vous savez. Vous avez eu des mouvements chez les psys, les médecins. Alors, beaucoup chez les psychiatres et psychanalystes, chez les médecins. Bon. Donc, il y a eu plusieurs professions, notamment dans la fonction publique, qui ont défendu la logique professionnelle contre la gestion, hein, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui disent, effectivement, la gestion attaque les professions. Bon, ça, c'est un point qui est débattu en sociologie du travail, mais effectivement, en fait, du point de vue de la régulation, la gestion tente de prendre la main sur les professions. Il y a effectivement une contradiction. Les syndicats commencent à s'intéresser à cette question-là, mais ils n'ont pas été les premiers, loin de là. Néanmoins, vous avez des syndicats locaux qui ont fait des grèves d'une heure, par exemple dans une trésorerie à Limoges, là, ils ont fait une grève d'une heure en disant on ne veut pas faire les chiffres. Voilà. Bon, grève d'une heure qui a servi à rien, mais il y a quand même une petite action collective. Et vous avez des organisations syndicales commencent à s'intéresser à ça. Mais comme vous le savez, le syndicalisme, historiquement, n'a pas été construit sur l'analyse du travail, mais plutôt des conditions de travail, donc il y a encore un peu de chemin à faire. Vous avez aussi des collectifs du type l'appel des appels, qui est en plein sur ces questions-là. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc c'est des collectifs non syndicaux, non professionnels. Hein, qui ont, voilà. Donc il y a quand même des choses qui se passent, il n'y a pas rien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit apparaître des résistances juridiques, c'est-à-dire des travailleurs et ou des syndicats, enfin, en tout cas des travailleurs qui prennent le syndicat comme outil, attaquent juridiquement un certain nombre de pratiques managériales qui sont fondées sur le management par les chiffres. Par exemple, le benchmarking a été mis hors la loi. C'est quand même intéressant à savoir, parce que c'est les caisses d'épargne de Lyon, si je me souviens bien, les caisses d'épargne de Lyon ont fait un procès à leur banque parce qu'ils mettaient en place le benchmarking. Il a été démontré que le benchmarking, qui, vous avez compris, nuisait à la santé des salariés. Or, l'employeur ayant une obligation de sécurité santé de ses travailleurs a déclaré que le benchmarking était illégal. Il faut, faut le dire, ça. C'est important. Récemment ? Ouais, bah, c'était en 2008, je crois. Mais il faut vérifier, je ne sais plus. De la même manière, vous savez ce qu'on appelle le force ranking, c'est-à-dire le fait que, vous êtes, que les managers doivent forcément noter leurs employés sur une courbe de Gauss. C'est-à-dire qu'il faut forcément qu'ils aient 20% de très mauvais, 20% de très bons et 60% au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de dire, toi, t'es viré. Hein, c'est... ça a été non pas déclaré illicite, mais en tout cas, ça a été déclaré juridiquement comme devant être soumis à plein de conditions qui rendent la chose en fait pas très praticable. Donc il y a pas mal d'attaques comme ça, notamment sur l'argument de l'employeur est supposé assurer la santé et sécurité de ses employés, qui est pas une loi, qui est une jurisprudence de 2002 suite à l'affaire de l'amiante. Mais je fais une digression, hein, c'est principalement là-dessus que les CHSCT attaquent, et c'est pour ça qu'on veut supprimer les CHSCT aujourd'hui. Vous êtes au courant que le patronat veut supprimer les CHSCT. Donc, on voit bien le rapport de force, là, hein. C'est-à-dire que l'argument principal, c'est la santé. Cet argument est porté par le CHSCT plus que par les DP ou le CE, et donc on veut supprimer les CHSCT. Excuse-moi, là, justement, sur ce point, les CHSCT, comité... Hygiène, santé, voilà. Sécurité. Mais récemment, en tout cas dans la fonction publique, en tout cas dans le ministère de mon conjoint, il y a, mais je ne sais pas s'il y en a partout, il y a des nouveaux comités, mais sur le surmenage ou la santé par rapport aux... Sur les risques psychosociaux. Voilà. Alors ça, quand on te raconte ça, tu as l'impression qu'ils inventent des nouvelles parades ou des nouveaux, soi-disant, arènes pour essayer de... voilà, ça c'est quoi cet outil ? Il y a beaucoup de choses à dire sur l'air. Oui, enfin bon, c'est, on va peut-être c'est un pas gros le marché déjà, c'est un gros marché. Et voilà. bon, ouais. Oui, mais alors là je vois l'heure. Et puis non, je suis pas sympa pour le suivant parce que... Non. Mais bah, on peut faire quelque chose sur les RPS, c'est beaucoup payé, hein. Ça, c'est passionnant. Très rapidement, autre mode de résistance, il y en a qui décident d'en faire un coup. Ils disent, ok, vous voulez qu'on rentre les chiffres ? Eh bien pendant deux jours on ne travaille pas, on rentre les chiffres. On a vu, j'ai vu une agence commerciale qui ferme pendant deux jours pour rentrer les chiffres. Alors, évidemment, tout le monde s'alerte. Beaucoup plus répandu et très discret, c'est la fameuse position de Bartleby dans le roman de Melville, que vous connaissez peut-être. Hein. « I prefer not to ». C'est-à-dire, je ne dis pas non, mais je ne le fais pas. Alors, ce « I prefer not to », une forme de résistance ultra-passive, individuelle, hein, faut noter quand même, là, c'est pas dans le collectif. C'est tant que je peux ne pas faire, je ne fais pas. Mais je ne m'oppose pas vraiment. Je ne suis pas dans un conflit. Bon, il y en a qui font la grève du zèle, c'est-à-dire qu'ils disent, vous voulez que je fasse du chiffre ? Vous voulez que j'applique la procédure ? Eh bien, je vais faire des chiffres, je vais appliquer la procédure, ça va me reposer. Voilà. Et très vite, cette posture-là tourne au jeu. Alors ça, c'est un autre gros problème, je pense. Moi, je parle de capitalisme ludique. Hein. C'est-à-dire qu'une des manières... de faire avec ces dispositifs, c'est de les transformer en jeu. Je vais exploser mon score. Je vais bidouiller mon dispositif pour qu'il soit encore plus sophistiqué. Je vais customiser mon système informatique. Dans ça. Donc c'est-à-dire de faire à la fois des dispositifs de finalité, des dispositifs de procédés, des jouets, J-O-U-E-T. C'est à des occasions de s'amuser. Ça, on le voit beaucoup, c'est une défense, on pourrait dire, hein, une défense tout à fait compréhensible, qui a comme effet de modifier l'attention, c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser à ce qu'on est en train de produire, on s'intéresse au score qu'on va avoir. Ce qui quand même transforme considérablement le rapport au travail, puisque ce que l'on fait n'a plus vraiment d'importance par rapport à ce qu'on en dira dans les scores. On peut aussi en faire une maladie. Et malheureusement, c'est souvent le cas, hein, vous avez beaucoup de personnes qui soit s'arrêtent avant de tomber malade, soit tombent malades et sont arrêtées, et on observe une montée très forte de l'absentéisme et des maladies avec un enjeu très très fort aujourd'hui, je vous le signale, concernant la médecine du travail. Il y a une guerre qui est faite à la médecine du travail qui déclare que des dépressions ou des suicides sur le travail puissent être liés au travail. Il y a deux médecins comme ça qui ont été condamnés par l'ordre des médecins. Par l'ordre des médecins. C'est vous dire comme ils sont... qu'ils les interdisent d'exercer comme médecins. En disant, vous ne pouvez pas écrire que le travail rend malade. Quoi. Donc c'est aussi là un rapport de force au sein même de la communauté médicale, rapport de force sanguinolent. Enfin, Bon, les médecins de travail que je connais là-dessus, si vous voulez, ça scinde la profession en deux, de toute façon. Voilà pour les questions, les réponses. Sur votre témoignage, monsieur, je suis d'accord avec tout. Qu'est-ce qui fait que ça se maintient, ce système? Parce que un truc que je ne vous ai pas dit, j'ai pas le temps, mais le pire, c'est que les cadres et les dirigeants ne cessent de nous dire, dans les entretiens, mais nous, on n'est pas dupes. On sait très bien que les chiffres qui remontent sont faux. On sait très bien que les gens ne suivent pas les procédures. On sait très bien que les systèmes d'information super compliqués qu'on met en place ne sont pas rentables. On sait très bien, on n'est pas bêtes. Eh, il ne faut pas nous prendre pour des... Donc ils savent. Et ils se revendiquent le fait de le savoir. Jusque à des gens très très très haut placés dans les ministères que je n'ai pas le droit de citer. Ils savent. Alors l'énigme est encore plus épaisse. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à une bande d'imbéciles qui impose des systèmes managériaux crétins à des pauvres travailleurs. C'est pas ça le film. Le film, c'est... Tout le monde sait que ça ne marche, ça ne fait pas ce que ça dit. Quand je dis ça ne marche pas, c'est ça ne fait pas ce que ça dit. Ça ne produit pas de performance, pas de qualité, pas de plaisir au travail. Donc ça ne fait pas ce que ça dit, et pourtant ça se maintient. Donc là, il faut aller regarder la production de ces dispositifs. Il faut faire une sociologie des producteurs et diffuseurs de dispositifs. Comment ? Pardon, je dis business. Voilà, donc il faut les regarder. Effectivement, les dispositifs, c'est un marché, donc on peut regarder ça du point de vue de la sociologie économique. Hein. Comment se fabrique le marché des dispositifs, au dernier rang desquels les RPS, qui est devenu un énorme business. Le suicide, c'est un business aujourd'hui. C'est un gros business, la prévention. Les risques psychosociaux. Expression géniale, un risque psychosocial, parce qu'il est tout à fait ambivalent. Hein. On ne sait pas si on parle du risque pour la santé des travailleurs ou si on parle du risque juridique pour l'employeur d'être accusé d'un suicide sur son lieu de travail. C'est formidable comme expression. On ne sait pas de quel risque on parle. Voilà, donc il y a effectivement une construction sociale d'un marché des dispositifs qu'on peut décrire. Je ne suis pas la première à m'y intéresser. Il y a une bonne littérature là-dessus. Notamment les néo-institutionnalistes Meyer et Rowan ont pas mal décrit là-dessus, qui décrivent très bien ce que vous dites, monsieur. C'est-à-dire que les acheteurs de dispositifs n'achètent pas les dispositifs pour leur performance. Je ne sais pas, messieurs les informaticiens, vous savez très bien que Oracle et SAP, ça ne marche pas. Tout le monde le sait. Enfin, moi, tous ceux que j'ai rencontrés, ils me disent qu'ils savent. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Enfin, que c'est très cher, que c'est pas vrai, que c'est rentable, etc. Pourtant, ça, on n'arrête pas d'en acheter. Donc, ce n'est pas une question de performance intrinsèque des produits. C'est plutôt pour se couvrir, parce qu'il vaut mieux, comme dirait Keynes, avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'il vaut mieux suivre les modes managériales, que ça donne un pouvoir supplémentaire de prendre le dernier outil à la mode. Voilà, ça légitime le pouvoir. Enfin, bon, il y a plein de mécanismes comme ça qu'on peut décrire, que je n'ai pas le temps de défendre. Il faut que je laisse la parole. Voilà. Mais il y a des raisons sociologiques très très qu'on peut étudier et qu'on a un certain nombre à étudier qui expliquent comment un système managérial qui ne fait pas ce qu'il dit se perdure et se développe de plus en plus malgré tout. C'est ça qui est intéressant aussi. Apparemment, il y a une sorte de système de tabou puisque on n'est pas dupe, mais en même temps, on ne peut pas en parler. L'histoire du ça fait du business, c'est une chose, mais n'importe quoi pour faire du business. Donc c'est pas ça qui va justifier qu'on mette en place et qu'on fasse durer quelque chose qui ne marche pas, qui fait souffrir. Voilà. Donc est-ce qu'on peut pas dire que il y a quelque chose d'une culture bureaucratique, quoi. Ah, c'est une culture très bureaucratique. Hein. C'est complètement bureaucratique. Je disais, j'ai quand même entendu une certaine information, M. Hollande, vanter aux Grecs les réformes de l'administration qui a été en France et qu'on pouvait leur donner un coup de main. Il me semble. J'étais fatigué. Mais voilà. Donc on est sur ce modèle-là. Tu es petit, je vais t'aider, regarde à ma grandeur, ainsi de suite, et puis en avant. Et d'ailleurs, on n'a pas le temps, mais moi j'avais une autre question, mais bon, peut-être l'année prochaine, on fera une seconde séance, c'était comment se produit la contagion. Je voulais dire, par exemple, on est passé d'un ministère à un autre, c'est arrivé à l'université, comment ça passe? C'est les consultants qui... Parce qu'il n'y avait plus de trucs au niveau de l'État. Au niveau de l'État, ça y est, il n'y avait plus de trucs. Les consultants, c'est l'offre sur ce marché-là. Eux, ils ont une logique d'offre et en face, il y a une demande. Voilà. Quand quelque chose arrive à l'université, c'est généralement c'est démodé depuis au moins 10 ans. Hein. Ouais. J'avais juste à titre. Oui, parce que c'est des mots. Oui, pas prolonger, mais juste le rôle des enseignements aussi de gestion. Je suis dans un unité de gestion et je vois le raisonnement, même à 18, 19, 20 ans, je ne vais pas jeter la pierre aux collègues, mais les disciplines même qui sont enseignées, les tableaux de bord, les indicateurs. Ils ont, même les étudiants ont leur indicateur, c'est très bien, s'il n'y a pas le contenu, ils s'en fichent. Maintenant, il y a l'indicateur. Enfin, il y a la mise en forme, il y a l'indicateur, la forme sur le, par rapport au fond. Et ça, à 18, 19 ans, et l'histoire, les solutions que j'ai en sociologie de l'innovation, moi, je me retrouve avec des histoires. Hein. Il faut diviser les salariés, il faut les mettre en compétition. Ça y est, c'est complètement incorporé. Ça sera des cadres à terre, même pas forcément cadres. On s'est connus avec Marianne. Non, ils sont formés comme ça. On s'est connus avec Marianne, puisqu'on enseignait toutes les deux dans une école, qui est l'école polytechnique, où effectivement la gestion a été introduite. Et là, tu n'y es plus, mais maintenant on va créer un département innovation, entrepreneuriat et gestion. Et là, effectivement, moi je vois les épreuves quand je corrige, les sujets qu'on leur demande et tout, c'est, ça infuse, mais. C'est partout. Alors ce que je constate, c'est qu'en général, il y a 5 sujets, il y a philo, géopolitique, architecture. Donc gestion, et puis il y en a un autre, ça doit être histoire économique. Et bien, ils sont effectivement, le plus d'élèves, de plus en plus d'années en année, choisissent donc la gestion. Et c'est ceux qui rendent leur, c'est en 4 heures, c'est ceux qui rendent leur copie plus vite. Et la philo, c'est les dernières copies qui rentrent. Enfin, ça, c'était... Mais effectivement, ça infuse, et ça, la direction de l'école, alors là, c'est vraiment, c'est le cap, hein. Ça, c'est très clair.